pasión y ternura. Joda según la escritura, joda según la escritura. Siendo blanco fue un traidor. Bonjour, vous êtes donc à l'écoute de Radio Libertaire, à présent avec le Tribunal Latino-Americana. Dans quelques secondes, nous allons donc commencer notre émission en présence d'Irène Bellier, directrice de recherche au CNRS, au sujet de la sortie d'un ouvrage qui s'appelle « Développement et droits coutumiers ». Nous aurons donc comme animateur Mariano Quiroga et Nestor Vega. Je voudrais, avant de commencer tout de suite, passer une petite information concernant la tenue ce soir au Centre culturel de la Clé d'une soirée de la FAENAC, Association des familles adoptives d'enfants nés au Chili, qui continuera une activité donc au 21 rue de la Clé, Paris 5e, jusqu'à 23h avec des groupes de musique. Et donc c'est fait au bénéfice d'une école au Chili pour des enfants qui sont orphelins. Voilà. Tout de suite, on termine l'habillage musical. Bien, à présent la parole à nos animateurs pour Irène Bellier. Notre invité en principe. Bonjour. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon voilà, et l'invitation est faite avec un grand plaisir de pouvoir faire connaître aux auditeurs de notre émission le travail qui est en train de faire et que je crois qu'a beaucoup d'importance, surtout dans la situation actuelle des peuples indigènes, des peuples autochtones. C'est nécessaire ce type de travail pour mettre les choses le point aussi, ça veut dire préciser les choses, comment ça se passe et quel est l'avenir, parce que c'est important. Alors, bah oui, quel est l'avenir des peuples autochtones ? Eh bien, je dirais que leur avenir est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Si l'on regarde un petit peu la situation, disons, de prise en compte, finalement, de leur situation au niveau international. Hein, 30 ans de négociations, une déclaration des droits des peuples autochtones qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. 4 pays qui ont bloqué le processus de la négociation pendant 25 ans, je dirais, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et puis qui ont changé de position. Après que les 143 pays aient adopté la déclaration, bien en 2009, en 2010, ils ont revenu. Hein, le Canada, l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont endossé la déclaration. Donc du coup, la déclaration constitue un cadre normatif et un cadre de, disons, je dirais que ça peut fonctionner dans l'imaginaire des peuples autochtones comme la Charte des Nations Unies peut fonctionner pour les peuples des Nations Unies. Donc de ce plan-là, je dirais, il y a des avancées, il y a une prise en charge internationale, il y a 30 ans de mobilisation sur la scène des Nations Unies, participation, des experts reconnus, des instances qui s'occupent de leurs questions. Donc je pourrais développer si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que sur le terrain local, dans les États, dans les régions où se trouvent les peuples autochtones, eh bien, les situations sont très, très inégales. C'est-à-dire que on voit que globalement, il y a une plus grande visibilité, il y a des luttes qui se déploient, et en même temps, bah, il y a de la répression pour des cas très précis sur lesquels on pourra revenir, d'occupation des terres, les problèmes des minières, Il y a un vrai enjeu sur les territoires autochtones, hein, ceux qu'ils ont perdu, ceux qu'ils voudraient récupérer. Et du coup, la situation n'est vraiment pas réglée. Et puis, ce sont des toutes petites minorités. Peut-être qu'il faudrait dire pour les auditeurs combien il y a d'autochtones, enfin de ce que l'on reconnaît comme des peuples autochtones dans le monde. Il n'y a pas de chiffres précis, je dirais. Il n'y a pas de recensement exact. Donc, on s'appuie sur les chiffres des Nations Unies qui postulent l'existence de 390 millions de personnes autochtones dans le monde, qui, disons, sont présents dans 90 pays. Depuis que le processus des Nations Unies s'est mis en branle, on est passé de 70 pays à 90 pays. C'est-à-dire que progressivement, on commence à identifier ce que sont les problèmes des autochtones. Évidemment, derrière autochtones, qu'est-ce qu'on veut dire? Comment ils sont qualifiés? Quel peuple se range là? C'est pas tous les groupes ethniques du monde, hein, c'est pas toutes les cultures du monde, mais disons que ce sont les petits peuples du monde, ceux qui ont été refoulés par les processus de colonisation, par les processus d'assimilation, par l'évangélisation, et qui, ayant perdu leurs droits sur leur territoire, sur leur terre, sur leur village, sur leur propre vie parfois, voilà, se lancent dans une dynamique de reconnaissance et parfois sont reconnus. Alors la reconnaissance, on l'a eu en Amérique latine, avec les changements constitutionnels qui sont intervenus entre 1988, je crois que c'est le Brésil qui le premier a fait ces changements. Et puis après, il y a eu pratiquement tous les pays latino-américains reconnaissent les peuples, nations, nationalités, indígenas. Oui. Voilà. Et donc il y a toute une discussion en français pour savoir si indígenas correspond à autochtones et qu'est-ce qu'on veut dire par autochtones. Et du coup, il y a des résistances en Afrique pour considérer que l'autochtone pourrait être le indigena. Donc il y a plein de débats sur lesquels on pourrait rentrer si vous voulez. Long. Oui, avec cette petite introduction, je voulais bien dire qu'il nous fasse une présentation de notre invité que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et parce que on a commencé sur un sujet qui est assez intéressant. Il faut bien informer notre auditeur. Qui est notre invité? Bien, Irène Bélier est directrice de recherche au CNRS. Elle est directrice du laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales, qui est le HESS, et responsable scientifique de SOGIP. SOGIP, ça veut dire Scales of Governments. C'est ça, the UN, the States and Indigenous Peoples. Voilà, alors c'est un grand projet de recherche, si vous me permettez de le présenter, qui effectivement est financé par le Conseil européen de la recherche et qui vise justement à travailler sur les transformations que l'on peut observer entre les niveaux internationaux, nationaux et locaux, à partir justement de ces, de cette gouvernance internationale qui se met en place. Et c'est un projet qui fonctionne sur une base comparative, qui vise à comparer. On a une dizaine d'États, de pays, beaucoup de peuples différents et de situations différentes sur quatre continents. Hein. Donc on peut percevoir effectivement comment ce qui se présente à l'échelle internationale comme les questions autochtones, la problématique des peuples autochtones, de fait, reçoit des déclinaisons différentes, il y a des situations politiques qui sont différentes, des situations économiques qui sont différentes, et qui permettent de comprendre des avancées, des reculs, et des états du c'est monde. C'est un travail nouveau, c'est déjà. C'est un travail tout nouveau. C'est un travail qui a commencé depuis un an et demi, avec une équipe d'une dizaine de chercheurs. Et disons que on est parti de l'idée, disons parce que j'ai travaillé aux Nations, en tant qu'anthropologue, j'ai étudié les processus de la Déclaration des droits des peuples autochtones, et donc j'ai bien compris l'enjeu de la reconnaissance comme peuple. C'est pas tellement le problème de autochtone ou indigena ou quelle que soit la manière dont on peut nommer cette différence là. Ce qui était en jeu dans cette négociation onusienne, c'était de se faire reconnaître comme peuple. Et à partir de là, il y a un article 3 de la déclaration qui a été un enjeu très fort, qui était l'article qui dit, je peux le lire pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers de ce genre de littérature, mais l'article dit que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Ce droit à l'autodétermination, posé pour les autochtones dans cette déclaration, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été posé en 1917 par la déclaration de Woodrow Wilson, avec le principe en 17 points, et qui a abouti à des tas, disons, sur lesquels s'est bâti même la Charte des Nations Unies. Donc tout l'enjeu des autochtones organisés, les leaders, c'était « nous sommes des peuples à l'égal des autres peuples du monde, même si nous n'avons pas d'État ». Nous sommes des peuples et il nous faut nous respecter. Et à partir de là, se mettent en place beaucoup de changements dans l'ordre du politique comme dans l'ordre du juridique. Et ce qui m'intéressait de faire à travers ce programme de recherche SOGIP, pour dire court, et puis il y a un site web où vous pouvez aller voir, hein, www.sogip.ehess.fr, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'autodétermination ? Aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation, quels sont les moyens que l'on a? Est-ce que c'est juridique seulement, alors qu'il y a des forces comme ça qui sont des forces économiques extrêmement fortes qui limitent notre possibilité en tant que sujet collectif, peuple, ou en tant que sujet individuel d'être vraiment autodéterminé, de choisir librement son destin? Ça veut dire que pour les bien distinguer les droits du peuple, les intérêts de quel secteur de la société non indigène, mmh, et les États qui donnent un certain cadre légal à l'existence des peuples indigènes et les non indigènes. Oui. Donc c'est une nouveauté de laquelle il y a des courantes qui sont en contradiction. Absolument. Il y a des contradictions, mais je crois que ces contradictions ont été, enfin, on travaille dessus beaucoup depuis plusieurs années, et pour adresser ces contradictions, je crois que il faut parler de ces organisations qui ont soutenu les combats des peuples autochtones dans les premières années, parce qu'au fond, ils ne sont pas arrivés tout seuls aux Nations Unies. Ça n'a pas été si facile que ça. Les Nations Unies ont fermé la porte. Bon, je pourrais revenir sur cette histoire, si vous voulez. Mais il a fallu, à un moment donné, une prise de conscience dans les sociétés occidentales de ce que ce n'était plus possible d'avoir ces relations tellement inégales, ces situations de massacre, ce déni de justice, cet abandon, finalement, de ces... qui étaient à l'époque considérés comme des populations. Et donc là, je pourrais peut-être nommer le GITPA, pour lequel je travaille également, donc le groupe international de travail pour les peuples autochtones, qui est une organisation qui est également dotée d'un site web. Vous faites GITPA.org et vous trouverez plein d'informations très intéressantes sur les à la fois les luttes, les processus internationaux, les données que l'on peut dont on peut disposer sur les peuples autochtones. Et le GITPA a été créé en 2005, je crois, les statuts ont été déposés en 2005, comme une section française d'une autre organisation qui s'appelle IFGIA. IFGIA qui veut dire en anglais The International Work Group for Indigenous Affairs, qui est donc une organisation pareille de défense des droits humains ciblée sur les peuples autochtones et qui est basée à Copenhague. Et qui, dans les années 69, a été créée au même titre d'ailleurs que d'autres associations se sont créées dans cette année-là, 69. Alors 69, c'est juste après 68, donc on peut imaginer qu'il y a quand même une commotion qui se produit, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un grand massacre des populations Yanomami au Brésil, et qui à un moment donné fait que c'était simplement plus supportable. Et donc il y a eu Survival International qui s'est créé à ce moment-là, Cultural Survival s'est créé, NCIV, il y a plusieurs associations occidentales qui se sont créées dans ce but-là de porter la cause de ces peuples-là en tant que cause de droits humains. Hein. Et puis, c'est eux qui ont accompagné aussi l'organisation de ce secteur. Au départ, ils n'étaient pas organisés, hein, les Indiens. Ils ont commencé... Il fallait commencer des zéros. Ils ont commencé au départ avec des vrais représentants, je dirais. Enfin, ils ont toujours des vrais représentants aujourd'hui, mais il y a une histoire. C'est-à-dire en 1923, il y a eu le chef d'Escahé, qui était de la Fédération des Nessonis, la Fédération des Six Nations Iroquoises, et qui vient à la Société des Nations à Genève, et qui dit « Hé, vous êtes Société des Nations, nous sommes six nations, une fédération, reconnaissez-nous ». Et il a fait le siège des États qui étaient à l'époque membres de la Société des Nations. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est une histoire de lutte. Hein. C'est une histoire de lutte. Et très inconnue un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Sauf de vous connaître spécialisé, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour un petit peu avoir un regard de compréhension avec les éléments des différentes régions du monde dans lesquelles se travaille. Bien de sûr. Reconnaissance, l'existence des peuples qui sont des droits, mais qui n'ont pas d'État et qui sont exigent leurs droits. Mmh. Et donc là, il est venu en 1923, il est resté un an, et il ne s'est rien passé. Les États, il a fait du lobbying, il a rencontré les représentants à Genève, il a été très bien accueilli par la ville de Genève, tout ça c'était pas mal, sauf qu'il a été interdit de parole. Il n'est jamais rentré dans la salle des Nations Unies, de la Société des Nations à cette époque. Et puis après, il y a un autre leader spirituel, celui-là qui était Ratana, qui était Maori de Nouvelle-Zélande, qui fait la même chose, 1924-1925, interdit de parole, il ne rentre pas. Donc il y a un enjeu très fort, parce que entre ce moment-là de 1923 à 1924, juste après le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, la mise en place de la Société des Nations, et ils se disent, voilà, ben on est exactement dans cette situation-là. Il a fallu attendre jusqu'aux années 70 pour que se reprenne ce mouvement, qu'ils arrivent effectivement à faire, un saut qualitatif, c'est-à-dire à organiser des réunions au Palais Wilson. Ils ne sont pas encore dans le système des Nations Unies, mais grâce au soutien de ces organisations que j'ai mentionnées, grâce au soutien aussi du coup, voilà, les églises à ce moment-là se sont assez peu bougées. Les personnalités peut-être sensibles au sujet. Voilà. Et ben, il y a d'abord eu une première réunion importante sur le problème de la discrimination à l'encontre des Indiens des Amériques. Ensuite, c'était en 77. Après, il y a eu une autre réunion sur le problème de la terre. Et puis ensuite, il y a eu encore une autre réunion sur le problème du racisme. Et en 81, dans ces trois années, de 77 à 81, il y a eu trois réunions. Et à partir de là, s'est mise en place cette saisine des Nations Unies. Donc j'ai pas mal écrit sur cette question-là, mais il y a d'autres aussi. Et c'est à partir du moment où ils ont mis un pied là a commencé véritablement la dynamique qui a conduit à un élargissement. C'était plus seulement les Indiens des Amériques. Progressivement sont rentrés dans le mouvement les autres peuples d'ailleurs, à mesure que les États se démocratisaient aussi, à mesure qu'ils rentraient finalement dans cette surface planétaire, dans cette globalisation. Enfin bon, il y a différents éléments qui vont expliquer cette mise en mouvement. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement des Indiens des Amériques, on a aussi des représentants d'Asie, de très nombreux pays asiatiques, des représentants de nombreux pays africains, y compris des représentants, disons, de la Sibérie, nord, de l'Union soviétique, etc. Oui. Donc ceux qui sont rentrés, finalement, au début, c'était les Indiens des Amériques, puis les aborigènes d'Australie, les Maoris, le Commonwealth, ça servit un petit peu de chambre d'écho. Puis après, il y a eu aussi les Européens, ceux qu'on appelle les Samis, enfin, ceux qui s'appellent aujourd'hui Samis, et qui étaient autrefois appelés des Lapons, dans les années 80. Ils sont rentrés dans le mouvement. Il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un Indien blanc ? Parce qu'au fond, les Samis sont pas marqués par des phénotypes particuliers. Et pourtant, ils avaient le même problème de discrimination vis-à-vis de la société dominante. Donc il y a eu toute cette réflexion-là sur un grand travail pour comprendre aussi les cadres de la mise en mouvement, pour comprendre pourquoi ils se mettent en route, pourquoi ils ont envie de devoir reconnaître leurs droits. Ils partent pas de c'est pas des revendications qui sont posées sur rien. Ce sont des revendications et on voit aujourd'hui que c'est souvent des situations conflictuelles. Je pense que les problèmes avec les minières en particulier, les grands barrages, les grands projets de développement sont ceux qui vont faire choc. Et à ce moment-là, des gens se disent mais on peut pas, on n'a pas les moyens de se défendre contre ces acteurs-là. On n'a pas le moyen. On manque de ces. Là vous touchez actuellement, vous touchez quelque chose qui est très, très important et très dangereux, que c'est ce qu'on appelle le développement minier, dans lequel en Amérique latine, surtout, que c'est un peu les choses que nous connaissons. Dans cette émission, il y a beaucoup de projets dans différents pays de l'Amérique latine, en partant de Salvador jusqu'au sud, même au Mexique, des projets jusqu'au Chili, minier, qui menacent des milliers de personnes, des indigènes qui habitent dans des régions qui sont toujours habitées, et qu'avec ces projets-là, ils risquent de. Grave problème de survie. Et cela vient évidemment en Argentine, au Chili, au Pérou, c'est terrible. Au Pérou, il y a un paquet de projets miniers avec, dans des lieux qui sont assez habités pour le peuple indigène. Et ces affrontements, on ne voit pas comment c'est fini, parce que même dans le cas d'Argentine, qui a, dans la Constitution, a intégré un chapitre spécial pour le peuple indigène, il y a simplement 12 États, devant 6 États, qui sont reconnus les droits des peuples indigènes. Il y a 24 qui ne reconnaissent pas, parce que c'est un État fédéral. Et bon, donc tout reste bien dans les papiers, dans les bonnes formes, dans les bons discours, mais dans le concret, dans le réel, les gouvernements responsables n'assument pas ces responsabilités. Alors, c'est évident que le problème du développement, d'ailleurs qui est l'objet de ce livre, qui vient d'être sorti par le JIDPA, qui parle de développement et droit coutumier, donc qui a été publié à l'Harmattan dans la collection Questions autochtones. On pose des enjeux, je dirais, très, très, très, très nombreux et différents. Donc, y a, d'un côté, ce que développement veut dire dans la pensée occidentale, c'est cette notion du vivre mieux, donc de cette croissance vers laquelle on doit aller, ce régime d'extraction que l'on peut effectivement valoriser, l'aménagement, cette espèce de mouvement de fuite en avant continue, sur lequel est fondée même la déclaration du droit au développement qui a été passée dans les années 60, je crois. Bon, c'est de 80, je ne me souviens plus, 65 peut-être, la déclaration du droit au développement, je l'ai plus à l'esprit. Mais c'était... Et qui, disons, montre qu'effectivement, il faut générer... En gros, le droit au développement, c'est générer de la croissance pour pouvoir vivre mieux. Et sur ce modèle-là, se fonde effectivement l'idée de mise en exploitation des territoires considérés comme vierges, qui ont été... disons, le premier moteur de la colonisation, je veux dire, la théorie de la terra nullius, qui a permis, effectivement, de priver les aborigènes australiens de tous leurs droits pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais qui a aussi été vrai en Amérique latine, avec l'idée de ce que ces terres devaient être valorisées. C'était pas la terra nullius, mais c'était on considérait pas les populations locales vivant là comme utilisant d'une manière rationnelle les terres qu'ils occupaient. Et on trouve toujours cela aujourd'hui. C'est ça qui est absolument, je dirais, qui fait un petit peu peur. À savoir de voilà 400, 500 ans après qu'on ait commencé, et quand on a vu un certain nombre de problèmes que ça pose au niveau des populations locales, problème de répartition des richesses, problème de ruines écologiques, problème de déplacement des populations, problème, etc. On se dit qu'il y a un vrai enjeu à penser le développement. Hein. Et c'est la conception du développement qui est en question, parce que. Et quand on voit qu'est-ce qui bénéficie à des peuples, disons, autochtones, pour préciser, l'exploitation de pétrole dans une région, l'exploitation des mines d'or dans une région, par exemple. Qu'est-ce qui t'y pense, ce type des discours que c'est, ça c'est un développement dans lequel le peuple qui habite dans la région, ils ne savent rien du tout. Ils sont les entreprises et les grands entités étrangères surtout qui vont se bénéficier avec l'exploitation de ressources naturelles. Je pense que ouais, un des grands axes de cette problématique, c'est la propriété de la terre. Dans un moment donné, la propriété de la terre, il a été donné au pays. C'est l'État qui a la propriété de toute la terre d'un pays. L'État décide de vendre la terre ou l'utilisation de la terre sans consulter à les gens qui habitent des fois dans ce territoire. Justement, à l'Argentine, en ce moment-là, il y a une nouvelle revendication par rapport au peuple originaire, on appelle en Argentine. Et justement, il y a une grande problématique par rapport à les titres de propriété de la terre. Parce que on est dans une société qui pour avoir... On a besoin d'avoir la propriété de quelque chose pour décider sur un espace. Ça, c'est déjà un concept qui, pour les peuples originaires, il est complètement hors de sa façon de vivre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un enjeu fondamental sur la question de la propriété. Propriété collective des terres ou propriété individuelle. Le problème, effectivement, de ce que la propriété confère également parfois des droits à agir. C'est-à-dire que quand on est propriétaire de quelque chose, ben on peut effectivement être représentant, on peut parfois voter. Enfin, je veux dire, il faut penser au système transitaire qu'on avait autrefois dans le système de vote en France. Et les autochtones sont confrontés à cette absence de titre qu'ils ne peuvent pas opposer aux compagnies qui viennent et qui reçoivent par exemple des concessions sur des territoires qu'ils considèrent comme leur appartenant de temps immémoriaux ou sur lesquels ils ont... C'est un problème de valeurs que nous avons. Oui, sans doute ça remet en question la direction. La direction de la vie, de la conception même de l'État en tant que propriétaire. L'État n'est pas propriétaire, c'est un gérant. Et l'ingérant, il y a 5 années, 4 années qu'il va être là. Provisoirement, il est là. Il a certains droits. Mais dans ce qui correspond à la propriété de la terre, à la décision de terre, il devait y avoir un droit de décision des gens qui habitent la région. Avant de toute autre chose, mais ça veut dire que l'État devrait être ça finalement. L'État devrait être nous tous. Parce que l'État n'est pas propriétaire. Et les gérants, l'ensemble des gens qui habitent dans le pays sont les propriétaires. À moi, mon conception, mais je pense qu'il y a un thème de discussion. Ben, il y a un thème de discussion sur ce qu'est l'État. Oui. D'abord, donc effectivement, l'État et la propriété, je veux dire, il y a beaucoup de philosophes politiques qui ont pensé cette question de l'État et de la propriété. En ce qui concerne les autochtones, parce qu'on va peut-être pas reprendre toute la philosophie politique, le problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui est celui de ce que l'État est en effet propriétaire, notamment des ressources du sous-sol. Mais justement, voilà. La Bolivie, par exemple, qui a un gouvernement qui se considère originaire, qui se considère autochtone, qui privilégie un peu les valeurs des peuples indigènes, justement, il va confronter à niveau international, mais aussi à niveau local, avec toutes ces discussions de la propriété, les concessions. C'est un thème qu'on ne peut pas s'éloigner beaucoup de ces sujets-là. Bah oui, mais l'État bolivien, il est confronté à des challenges formidables, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de tout à fait original. Je crois qu'on ne connaît pas ce que ça veut dire exactement, un État plurinational. C'est fantastique. Un État unitaire de droit plurinational. C'est quelque chose de compliqué. Ça peut être fantastique, effectivement, au niveau des principes qui animent la construction de cet État. mais c'est redoutablement compliqué à mettre en place. À mettre en place. Au niveau, par exemple, justement, des territorialités, il y a aujourd'hui des superpositions de régimes. Et les pueblos indígenas originarios campesinos, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent maintenant, cette catégorie indigène, originaire, paysanne, c'est quelque chose qui renvoie effectivement à la différence possible des statuts relatifs à la terre. Et on a des modalités dans le monde indien-bolivien qu'il faut prendre en compte, à savoir que le rapport à la terre dans le monde indien-bolivien n'est pas le même selon qu'on est des Andes ou qu'on est en Amazonie. Le rapport à la terre n'est pas la même. L'usage que l'on va faire du territoire n'est pas le même. Les modes d'organisation propres des communautés locales, indigènes, paysannes, originarias, sont différents. Les Andins, disons, les communautés andines, ont suivi pendant longtemps le modèle syndical. Ils ont les Ailus et Marcas, ils ont des... Non, mais là, il y a un problème. Là, parce que vous parlez, excusez-moi que vous interrompe, dans le Santien ou le Métis, qui sont actuellement occidentalisés. Qu'est-ce qui est complètement... Moi, je connais beaucoup. C'est bolivien. Hein, on a reçu beaucoup ici en France. Les années 80, on a reçu pas mal. Ouais. Ils sont de tout moins des indigènes. Mais ils sont des gens intelligents, bien cultivés, bien, mais avec les valeurs du système dominant. Et c'est complètement différent. Je pense qu'il y avait aussi une mentalité très forte que, dans toute l'Amérique latine. Mais l'Indien, il était mal vu. Ouais. Vraiment, il y avait un regard despectif par rapport à l'Indien. Moi, je ne mets pas en question... les Indiens bolivianisés, je ne mets pas en question les transformations qu'ils ont vécues. Je constate simplement que le régime andin et le régime amazonien, ce n'est pas le même. Qu'on le connaisse dans l'histoire, qu'on le connaisse dans la modernité, qu'on le connaisse au regard du politique présent, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, on a d'un côté des sociétés qui étaient quand même assez labiles. Je veux dire, l'Amazonie, c'est quand même ça. Je veux dire, j'ai quand même vécu 4 ans en Amazonie, je peux en parler tranquillement. Je vois bien comment ça s'est passé. Et j'ai vécu dans des populations qui n'étaient pas décrites, pas connues, etc. Et qui pourtant avaient été déjà transformées, parce que déplacées, évangélisées. Voilà. Il y avait cette influence de l'extérieur, d'ailleurs. Bah, oui, enfin, d'une manière, je crois que toutes les sociétés, même les sociétés dites les plus éloignées et sans contact, ont à un moment donné quelques influences. Je veux dire, on n'est pas dans des îlots complètement coupés. Mais en revanche, les sociétés d'Amazonie n'ont jamais créé de grands ensembles étatiques ou quasi étatiques. C'est pas pour rien qu'un quelqu'un comme Pierre Clastre a écrit ce livre La société contre l'État. Il a eu quelques prémices de réflexion très intéressantes. Je crois pas qu'il y avait une intelligence antérieure de ce qu'était l'État pour pouvoir le refuser. Je pense simplement que c'était des sociétés qui se sont remarquablement adaptées à leur environnement, écosystème, des petites sociétés labiles qui géraient leur rapport à la nature et à la forêt dont ils tirent leur subsistance d'une manière extraordinairement écologique, qui s'arrangeaient pour pouvoir à la fois partager entre les humains mais aussi avec les êtres non humains et pour pouvoir générer de la ressource. Je vais prendre un mot un peu savant, halieutique, synergétique, c'est-à-dire les ressources de chasse, les ressources de pêche, parce qu'ils ont des rapports avec les maîtres des animaux. Avec les plantes, avec les arbres. Voilà. Ils sont un métissime extrêmement beau et riche. Moi, je le vois dans les Mapuche que je connais un peu. C'est un même chef de valeur. Les Mapuche, par exemple, disent, nous, on appartient à la nature, on est partie d'elle. Donc, tout ce qui nous entoure, nous sait comment on appartient à ça. Voilà. Et à partir de cela, sont toutes les philosophies sur beaucoup de choses qui sont très intéressantes, très intéressantes. Une conception différente de la conception utilitaire qui est le monde occidental, et ils n'auront pas la même façon. Absolument. Ça, ils n'ont pas du tout la même notion de l'utilité, mais enfin, naturellement, les sociétés ont beaucoup changé aussi, mais c'est clair que on n'a pas le même rapport à un supermarché où on va faire ses courses et à un espace vivant où on gère des espèces vivantes. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, quelque part, il n'est pas nécessaire, et ça, c'est des choses qui sont compliquées à comprendre pour nous, et malheureusement, des systèmes qui sont en train de disparaître, mais il n'est pas nécessaire de générer des bases d'une accumulation primitive pour pouvoir ensuite créer de la différenciation sociale. Dans ces cas d'Amazoniens, c'est les Mairuna que je connais, qui sont partie de la population de l'ensemble linguistique Tucano occidental. Voilà, il y avait le principe de voilà le chasseur, on tue des animaux, on va partager dans la famille. Un jour c'est moi qui ai du gibier, je t'en donne. Un autre jour c'est toi qui as du gibier et tu m'en donnes. Tout ça est fondé sur des règles de réciprocité qui font partie de ces, je dirais, règles implicites, de ces codes, de cette coutume au fond, de ces droits. Que l'on commence maintenant à identifier comme des droits, qu'on a pu étudier en anthropologie en se disant voilà, c'est les principes de réciprocité qu'on n'a jamais nommés comme droits, mais qui font effectivement les bases de principes d'organisation sociale et de réglementation de cette organisation sociale qui fonctionne. Alors je parle là aussi d'une société de 300 personnes hein, qui vit dans trois villages et qui a été pas mal transformée, mais qui continue de maintenir ces principes-là. C'est pas 3 millions de personnes, c'est pas 30 millions de personnes, c'est pas 300 millions de personnes. Donc on n'est pas dans les mêmes échelles hein, d'organisation des bases de l'échange. C'est de ce droit coutumier dont il est question donc dans l'ouvrage qui a été publié par le JITPA. Voilà, oui. Oui, c'était. Et ces différents droits coutumiers, mais finalement, on retrouve un peu les mêmes valeurs un petit peu dans tous ces droits coutumiers, non ? En matière d'échange, de réciprocité. Alors, je ne peux pas prononcer sur le fait de retrouver toujours l'échange et la réciprocité dans le droit coutumier. Il faut vraiment procéder à des études sous cet angle-là. Pour pouvoir le dire. Aujourd'hui, les représentants des peuples autochtones aux Nations Unies, ceux qui commencent à écrire sur ces questions-là, ont tendance à produire effectivement l'idée de ce qu'ils partagent les mêmes disons, modes de rapport au monde, même s'ils appartiennent à des sociétés différentes, parlent des langues différentes, sont dans des systèmes différenciés. Voilà. Et donc ils vont venir en commun sur cette idée de ce qu'il faut avoir une approche un petit peu holiste dans lequel on va mettre l'homme en relation avec son environnement et l'économique en relation avec le politique et le juridique en relation avec avec tout ça. Donc ils sont pas sur les principes de séparation. En revanche, le droit coutumier va fonctionner de manière très différenciée d'un monde à l'autre, parce que on ne peut pas aujourd'hui faire abstraction des histoires coloniales dans lesquelles un certain nombre de ces sociétés, peuples indigènes, aborigènes, autochtones ont été prises. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si je prends l'Inde, où l'Inde ne reconnaît pas la notion de indigenous peoples, il considère que tout le monde indien est de ce lieu-là, tout le monde est indigène en Inde. Mais ils ont dans leur constitution, passée en 1950, défini une catégorie de peuple ou de population qui correspond à la notion de peuple autochtone au sens onusien du terme aujourd'hui, la notion de scheduled tribes, dite aussi maintenant adivasi. Et quand on regarde effectivement, il y a un article de ce livre qui parle du problème du droit coutumier en Inde, et de comment il a été fixé, identifié à l'époque même de la colonisation britannique. Il est rentré à un moment donné quelque chose qui s'appelle droit coutumier dans l'administration des populations tribales. Et donc aujourd'hui, ce sont des éléments de ce droit coutumier tel qu'il a été encodé au moment de la colonisation en 1827 qui va revenir comme un droit coutumier. Mais on a déjà là un processus de transformation dont il faut mesurer l'importance. Hein, et c'est pour ça que voilà, j'invite les juristes aujourd'hui à travailler sur ces questions-là, parce qu'on est en train d'effleurer un certain nombre de problèmes qui permettent de penser qu'est-ce qui est du droit propre. Ce droit propre est-il nécessairement ancré dans un passé immémorial, où il est propre parce qu'il correspond à certaines pratiques qui permettent une autonomie. Faut-il ne le reconnaître comme droit coutumier que s'il concerne des populations, des communautés ou des peuples qui seraient supposés n'avoir connu aucune transformation? Je crois que là, c'est un vrai enjeu et un vrai problème. Parce que on n'a pas le droit aujourd'hui de considérer qu'un certain nombre de peuples sont fixés dans l'histoire et n'ont pas vécu ces transformations-là. Donc, mais c'est ce qui se passe. Je vois mon oui, interlocuteur non, qui l'évolution, réagit. Pour moi, c'est quelque chose qui c'est... Bien sûr. C'est inévitable. C'est normal d'évoluer avec les temps, donc, de tous les peuples. C'est normal, mais ce n'est pas toujours le cas d'être reconnu cette transformation et ces évolutions dans les cadres politiques existants ou les cadres juridiques existants. Par exemple, on peut demander si vous avez une réclamation territoriale sur un lieu en particulier en Amérique du Nord, je dirais, mais ça peut être aussi le cas en Australie à propos de titres de propriété. On peut demander aux personnes de prouver l'existence continue d'occupation de ce territoire sans en avoir jamais bougé depuis des temps immémoriaux. Et donc, du coup, ça pose énormément de problèmes à des sociétés qui sont, par exemple, des sociétés nomades. Oui, exactement. Et qui n'ont pas marqué leur empreinte, n'ont pas mis leur empreinte sur un site ou sur un territoire de la même manière que, par exemple, des sociétés agraires l'auraient fait. Et c'est un des problèmes, par exemple, pour les Touaregs, qui sont des nomades. Et donc, du coup, on leur dit, mais oui, mais vous êtes de nulle part. C'est d'ailleurs le problème des nomades en général. Les nomades, et on voit bien le problème des populations roms en Europe, c'est que vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de là. Donc nécessairement, on prête à ces gens qui ne sont pas du lieu des attitudes qui iront vers la... Voilà, on va les accuser d'être des délinquants, alors même qu'ils aient commis un quelconque délit. Et du coup, ça pose énormément de soucis, même cette question-là des populations nomades. En Afrique, c'est le cas de beaucoup de populations qui ont beaucoup de mal et qui ont été reconnues. Alors ça, c'est intéressant sur l'Afrique, c'est que, pareil comme en Inde, on ne sait pas très bien qui sont les autochtones d'Afrique, puisque quand même tous les Africains sont aussi d'Afrique. Donc du coup... Ce problème, effectivement, d'identifier qui sont ces populations au sens des populations indigènes d'Amérique, c'est compliqué. Mais heureusement, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui l'a fait, cet examen. Donc, ils ont décidé, voilà. Il y a les nomades, il y a les chasseurs-cueilleurs, il y a les pêcheurs, il y a ces gens qui sont finalement pris dans des dispositifs particuliers, des économies de subsistance, qui sont confrontés à des situations, disons, de... problématiques vis-à-vis des paysans qui sont installés là depuis forcément parfois très très longtemps. Paysans qui ont évidemment tous les droits à être là où ils sont aussi. Et donc du coup, se pose cette question de comment on va ajuster les droits de tous sans que certains n'aient pas de droits du tout. Je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question plutôt que de dire... Comme ça s'entend parfois, attention, la Déclaration des droits des peuples autochtones reconnaît des droits à certains pour en priver d'autres. C'est pas le cas. C'est plutôt l'idée d'étendre un régime de droits de manière à ce que les droits soient partagés par tous. Alors, c'est un sérieux problème de pouvoir identifier. Voilà, un peu de musique, Elise, pour revenir rapidement avec notre invité. pour leur donner le temps de respirer quand même. Il est tellement intéressant. Tellement intéressant. Musique urbaine mapuche. Vous êtes à nouveau à l'antenne de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. J'entends et avec pas. Tribunal Latino-Americana, on continue donc notre interview avec Irène Bélier. Je rends la parole à nos animateurs. Voilà. Là, mais on vous rappelle aussi qu'on est à Radio Libertaire 89.4 FM. À Paris, que le téléphone de cet studio, si vous êtes intéressé à poser des questions à notre invité, c'est le 01-43-71-89-40. Je répète, 01-43-71-89-40. Voilà, on continue notre émission. Voilà. Et via vie, tout ce travail, le long travail que tu nous as bien décrit, hein, des années pour faire pour gagner une place dans les droits de reconnaissance, disons, non, reconnaissance, c'est une valeur que c'était méprisé et qui n'était pas considéré il y a 50 ans par exemple ou 40 ans. Et il y a, tu as parlé d'une certaine quantité de pays qui sont signés ces documents, et je voulais que tu nous rappelles un petit peu ce que sont les pays occidentaux les plus importants, pour avoir une précision sur cela. qui les connaissent. Parmi les pays signataires de la déclaration, oui. Ou parmi ceux qui vont respecter les principes de la déclaration. Ça fait une différence. Ça fait une différence parce que je pense que la totalité de l'Union européenne, par exemple, a adopté la déclaration des droits des peuples autochtones. La France a signé la déclaration des droits des peuples autochtones. Et elle a fait une déclaration d'interprétation que vous trouverez, je pense, sur le site de... JIDPA, hein, JIDPA.org. Il y a d'ailleurs un webdoc qui pourra vous intéresser pour voir comment s'est développée une coordination autochtone francophone à l'intérieur des Nations Unies pour créer du lien entre les autochtones francophones, disons, les peuples qui appartiennent à l'ancienne colonie française. Et parfois, elle a toujours colonie, puisque la Guyane est un département d'outre-mer et comprend des peuples amérindiens en petit nombre, malheureusement. 10 000 personnes, simplement. Mais il faut le savoir, nous avons des Amérindiens en Guyane. Il y a 6 à 8 peuples qui sont présents sur le littoral en Guyane française. Et puis, il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks. Qui sont là, dans le processus de l'autodétermination, qui sont en train de marcher vers l'autodétermination. Savoir si ça sera pour le peuple kanak ou si c'est pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un autre enjeu. Il y a aussi la Polynésie française. Hein. Et puis, parmi les peuples francophones, juste pour dire un mot de cet ensemble, parce que c'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant si on le met ensemble. Il y a aussi les Amérindiens et le Québec. De Québec et de Nunavut. Vous avez également les peuples Imaziren, Touareg, Berbère, Kabyle, d'Afrique du Nord, hein, du Maghreb. Il y a aussi tout l'ensemble pygmée d'Afrique centrale. Donc pygmée d'ailleurs qui est un terme qu'ils réfutent aujourd'hui parce qu'ils considèrent que c'est un terme qui est péjoratif parce que ça met le doigt sur leur petite taille. Et donc... eux, ils s'appellent évidemment autrement. Voilà, donc je parlais de la coordination autochtone francophone, de la reconnaissance et de la France par rapport à ces peuples qui sont sur son territoire, des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer ou des pays d'outre-mer. Et la France a fait une déclaration interprétative, d'interprétation au moment de la signature pour dire que... elle avait déjà des politiques actives en direction des populations d'outre-mer. Et donc, elle mettait en place son régime de, disons, vis-à-vis des populations d'outre-mer. Elle ne reconnaît pas pour elle-même, dans son territoire, la notion de peuple autochtone. La notion de peuple kanak est rentrée dans la Constitution française à travers l'accord de Nouméa, 1998. Après que des événements très graves et tragiques aient eu lieu. Et c'est à partir de cet accord de Nouméa qu'a commencé à se mettre en place, effectivement, l'idée de ce que le peuple kanak et le peuple français avaient peut-être des histoires différentes à conduire. Mais ça a été difficile pour la France. Et le Conseil constitutionnel continue de s'opposer à la notion de peuple pour les populations dites d'outre-mer, etc. C'est voie difficile, hein, des lois, c'est voie difficile que n'importe quel gouvernement français, des lois de gauche et de centre, pour la toucher, ces sujets-là, et les donner une réponse adéquate des points de vue des droits de l'homme, c'était très difficile, parce que c'est toutes les histoires qu'il y a là, tous les intérêts qui sont aussi. Il y a à la fois cette histoire, je dirais, dans la périphérie de l'État. Mais il y a aussi l'histoire dans l'Hexagone. Et donc, du coup, la question des peuples basques, peuples corses et peuples bretons fait souci par rapport à cette autre histoire. Et donc, leur rapport à l'État est d'ailleurs différent hein, de celui du rapport des populations ou des peuples Kalinia de Guyane ou Kanak de Nouvelle-Calédonie ou Maoï de Polynésie française. Mais pour revenir sur la question de quels sont les pays, disons, occidentaux qui ont adopté la déclaration, je dirais qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il y a des différences à faire entre les pays du Nord, par exemple, comme les pays scandinaves, qui sont des États dont la, je dirais, les trois quarts font partie de l'Union européenne. Il n'y a que la Norvège qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui sont entrés dans des processus de négociation vis-à-vis des peuples samis depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, et qui reconnaissent l'existence d'un conseil sami, d'un parlement sami sur quatre États. Vous voyez, donc des organisations supra-étatiques, transnationales, disons au sens où ça couvre différentes nations appartenant à différents États, mais où le peuple sami se reconnaît comme tel. Ça crée des dispositifs peut-être plus favorables aussi à la mise en œuvre des droits de la déclaration. Et je pense que c'est pas anodin, effectivement, qu'une organisation comme Yves Guillat, qui est basée à Copenhague, puisse travailler de la manière dont il le fait, en bénéficiant des fonds de la coopération danoise, par exemple, pour développer des tas de projets. L'AFD, Agence française de développement, n'est pas du tout dans ce genre de disposition. Et ça crée effectivement, il n'y a pas que la coopération danoise, Danida, il y a aussi la coopération norvégienne, la coopération suédoise. Ils sont très très actifs sur ces programmes européens. Ils ont même stimulé les programmes de l'Union européenne en direction, disons, de la démocratie et des droits de l'homme pour mettre un petit volet autochtone à l'intérieur de ces. Voilà. Donc chaque pays a ses attitudes respectives. L'Espagne, elle est quand même relativement active vis-à-vis dans sa coopération avec l'Amérique latine pour faciliter des programmes d'échange scientifique ou même des programmes dans les universités de formation d'autochtones latino-américains qui vont débarquer et bénéficier, etc. On ne voit pas encore ça en France. On n'a pas encore ça en France. Mais la question, je dirais, qui a collectivement posé souci aux Occidentaux était celle de comment peut-on passer d'un régime des droits de l'homme, qui sont des droits individuels de la personne, à un régime des droits de l'homme en tant que droit collectif. Je pense que c'est ça qui a posé le plus grand souci, au vu de l'histoire aussi européenne, qui a été un peu une histoire de massacre sur la base de peuples qui ont été fait l'objet de génocides, qu'il s'agisse des juifs ou qu'il s'agisse des gypsies, des roms, je veux dire, on a tous à la mémoire l'Holocauste. C'est une nouvelle façon de regarder, pas simplement ce qu'on a été et ce qu'on est aujourd'hui. Au fond, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Comment on s'est comporté avant? Absolument. Notre histoire. Et regarder en arrière et commencer à se poser des questions sur comment on fait aujourd'hui. Voilà. Hein, avec l'évolution des sociétés modernes. Et c'est quand on regarde en arrière que l'on peut aussi se dire qu'il y a plusieurs générations de droits de l'homme. Ce que font les juristes. Hein. Les juristes, maintenant, parlent de la première génération des droits de l'homme, qui sont les droits individuels de la personne. Puis la deuxième génération, qui a été les droits civils et politiques. Très important, les droits civils et politiques, à travers le pacte international sur justement les droits civils et politiques qui ont été passés en 1966, suivi en même temps de la déclaration, enfin du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Très très important. C'est très important parce que ce sont ces deux pactes internationaux qui ont permis aussi de nourrir l'article 3 que j'ai lu précédemment sur le droit des peuples autochtones à l'autodétermination. Il est totalement inspiré de cet article 1 commun aux deux pactes internationaux. Et puis, il y a des droits, de fait, qui sont des droits collectifs par nature, mais que l'on n'a pas tendance à considérer comme collectifs. Les droits à la langue, le droit linguistique, est forcément un droit collectif. Parce qu'un individu qui est tout seul, s'il n'a pas un ensemble qui va, avec qui il va pouvoir échanger quelque part cette langue, eh bien, c'est une mort. C'est comme ça qu'on peut, à un moment donné, dire que un peuple a disparu, une langue a disparu, parce que le dernier locuteur de cette langue n'a plus personne à qui s'adresser, et donc ne peut plus transmettre. Donc voilà, les droits syndicaux sont aussi des droits qui sont par nature collectifs. Et on les reconnaît comme des droits au collectif. Donc du coup, le problème qui était posé vis-à-vis des autochtones, c'est pourquoi est-ce qu'en tant que personne, on va leur reconnaître des droits collectifs qui pourraient être différents des autres. Voilà. Et donc la question, c'était la protection par rapport à l'État et le fait que, alors que l'ensemble des droits humains individuels de la personne, donc, les concernait, tout autochtone qu'ils sont, tout un indigénas ou aborigène qu'ils sont dans les États qui les abritent, le fait est que c'est le non-respect de ces droits qui a amené souvent à la situation que l'on connaît. Donc c'est cette histoire-là qu'il faut prendre en considération. Oui. Non, parce que la globalisation, il a provoqué deux phénomènes. D'un côté, la globalisation, il a essayé de homogénéiser la Terre un peu avec certaines idées, certains dogmes. Mais que, bon, maintenant, on est tous un peu, on arrive à savoir qu'existe ces aborigines en Australie, des Iroquois, bon, c'est qu'il y a Nouvelle-Calédonie, comme que, il y a ce moment actuel qui permet d'avoir vraiment ces deux visions du monde, non, qui sont un peu confrontées. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai écrit un article qui s'appelle « Les deux phases de la mondialisation », publié au cahier du GEMDEV numéro 31, accessible en ligne. Donc, ou même sur le site SOGIP, vous pouvez récupérer ça. Parce qu'effectivement, il y a une phase positive de la communication, de la mise en image, de la circulation, d'Internet, les nouvelles technologies qui permettent effectivement de faire, de communiquer des expériences. C'est pas mal pour les luttes. Donc ça fonctionne bien, ça. La vitesse, non, voilà. Pour voyager d'un endroit à l'autre. Voilà. Mais, il y a l'autre phase de la mondialisation, qui est celle à laquelle se confrontent aujourd'hui les communautés autochtones, je dirais pas par nature et pas par essence, mais c'est parce que les autochtones ont été relégués sur des territoires qui n'ont pas encore été tellement exploités. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à ces enjeux de nouvelles conquêtes territoriales. Je pense qu'eux, ils sont clairement des victimes de cette globalisation, mais je pense que tous, on est un peu victimes de cette vision, de ce regard sur le monde qu'il est une marchandise à produire, à vendre. Alors je pense qu'il faut avoir un langage critique, je pense qu'il faut aussi avoir un langage d'action. Je ne suis pas certaine qu'il faille avoir un langage de victime. Je pense qu'il faut sortir de cette idée de ce que les autochtones sont des victimes ou que nous sommes des victimes. Il s'agit sérieusement de pouvoir réagir, de pouvoir dire qu'on a, de pouvoir donner son opinion. On a la chance d'ailleurs de pouvoir donner son opinion. Une radio comme celle-ci le permet, d'autres aussi. Et donc de construire ces cadres dans lesquels on peut s'exprimer. Et je pense que c'est très important, parce que la logique victimaire est une logique de compassion, c'est une logique de protection, c'est une logique de soin, c'est le care, c'est très bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et je pense que là, ce qui est nécessaire, c'est effectivement de pouvoir dire, attention là, au nom du développement, vous êtes en train de passer des concessions, par exemple, vous refusez la propriété collective du sol, avec des terres démarquées et cadastrées en Argentine, par exemple, il y a un problème de cadastre. Au nom de ce que la terre appartient à l'État et les ressources du sous-sol lui appartiennent également. Et pourtant, vous passez des concessions, vous donnez même des droits à des entreprises minières qui sont des droits que vous ne concédez pas à vos propres nationaux. Alors, sans être nationaliste ni souverainiste, il s'agit également de savoir quel est le régime de la propriété qui est accordée là. Et pour quelles raisons, effectivement, et on va permettre, disons, une mise en coupe réglée de forêts qui vont partir loin et qui vont laisser des territoires dévastés dont les produits ne seront plus, donc qui vont conduire finalement à des appauvrissements du sol, des ressources et donc des populations, et qui vont les amener à migrer vers la ville. Et c'est ce genre de choix qu'il faut se poser là. Alors ensuite, c'est des problèmes de la... Alors, ils sont confrontés à quoi, les autochtones, sur les territoires aujourd'hui, qui sont des enjeux de lutte? C'est les problèmes de tourisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient à la fois visibles dans leurs différences et autant que possible avec des plumes et, ouais. et les arguments de l'exotisme pour pouvoir satisfaire la demande de tour opérateur. Donc ça, c'est pas plus admissible parce que quelque part, on leur demande de jouer un rôle. Alors qu'ils jouent carrément un rôle, qu'ils soient des acteurs de leur propre vie ou de leur propre théâtre. Mais c'est quand même un problème. Si, c'est la caricature, non? C'est la caricature, c'est la caricature. Mais le touriste, il a pas envie de voir des autochtones en train de vivre normalement, comme vous et moi. Il a envie de voir autre chose. Donc ça crée des... Il faut vraiment réfléchir à ces questions-là, parce que... pas pour simplement des questions d'image, mais parce que, par exemple, en Colombie ou au Pérou aujourd'hui, on demande aux communautés natives, pour employer le terme par lequel on les nomme au Pérou, comunidades nativas, de faire des plans de vie. Des plans de vie. Et dans les plans de vie, le tourisme joue un rôle. Et c'est quand même assez extraordinaire que pour pouvoir avoir le droit de rester dans un lieu, dans un espace qui leur appartient ou qu'ils ont vécu tout le temps, etc., il leur faille proposer tout un projet de vie, Planète des Vidas, pour la communauté, qui se met dans des codes qui sont fournis finalement par des managers internationaux, des UNESCO qui décident, etc., et qui quelque part assujettissent. Pour moi, ce sont des nouvelles formes d'assujettissement. On n'a pas le droit de les... Enfin, c'est comme si l'État leur niait le droit d'être ce qu'ils sont sans avoir d'utilité. Le plan de vie leur donne une utilité. Hein? Ça, c'est ça qui est très compliqué à penser. Et c'est le régime actuel. Et c'est ça que, à mon avis, il faut vraiment voir ce qu'il y a derrière ces plans de vie. Il y a la conversation dernière me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Équateur au début de l'année, qui c'est pas mal. Il a dit tant moi qu'il a été paralysé toute une région du pays, dans laquelle les communautés indigènes sont coupées les routes, jusqu'à ce que le gouvernement s'assit à parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet de faire une exploitation minière dans une région assez importante, parce que c'est prétend qu'il y a de l'or. Et voilà, et là, il a eu une véritable révolte, parce que c'est une région habitée pour trois ethnies différentes, assez nombreuses. Et ça, comme les autres organisations indigènes qui sont en Équateur, se sont révoltés, ils sont lancés ce qu'on appelle la grève, une grève sans date. Il a devenu tout moi. La police, l'armée a intervenu, a fait beaucoup de choses, mais comme c'est un pays très montagneux, et les routes sont toujours des routes montagneuses, sont très faciles à couper, donc le résultat, c'est qu'ils sont arrivés à arrêter les projets. Et ces projets étaient finis pour le gouvernement intérieur. Donc ce n'est pas pour l'actuel président de la République de l'Équateur. Et donc lui, il a dit négocier avec l'entreprise. Il y avait toutes les entreprises qui étaient intéressées. Et voilà, ça a arrêté. Mais c'était moi qui a duré 3 mois et qui sont gagnés course. Parce qu'ils avaient les conditions géographiques et ça a permis de faire ça, malgré la présence de l'armée, la police et tout cela. Et c'est un exemple comment on menace, comment il y a cette idée de développement qui, pour le peuple indigène, ne signifie rien dans les points. Qu'une région où ils habitent s'est installée en grand barrage pour l'exploitation des mines avec tous les déchets qui s'applaudissent, etc. Et que tous les bénéfices vont rester ailleurs, vont partir ailleurs et non pas la population. C'est répété partout en Amérique latine, en Afrique, partout un peu, comme tu expliquais tout à l'heure. C'est quel va être le résultat de tout cela? Je ne sais pas quel va être le résultat parce que je ne lis pas dans les cartes, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de véritablement penser les conséquences de ces grands projets. Et je pense que là, les autochtones, mais il n'y a pas que les autochtones qui s'opposent aux grands projets d'aménagement territoriaux, les grands barrages hydroélectriques, il y a pas mal d'écologistes qui sont derrière. Et puis il y a des non-autochtones qui sont également contre, qui sont déplacés, qui font partie de ces populations déplacées. Donc c'est des enjeux très forts dans lesquels il faut arriver à mettre en place les différentes pièces de puzzle. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ces énormes projets. Belo Monte, par exemple, voilà, c'est 10 000 personnes déplacées, ça va être des mégawatts et des mégawatts, etc. Mais ailleurs, ça sera une mine, ailleurs, ça sera un aéroport, ailleurs, ça sera, etc. Et quelque part, il y a des arguments qui sont apportés en force de conviction, je dirais, voilà, ça va amener de l'emploi, ça va amener de la richesse, ça va permettre de mettre sur le marché, enfin voilà, il y a toujours des bons arguments pour expliquer combien ça marche. Il y a des arguments qui ne sont pas toujours expliqués, comme par exemple, quand on regarde un petit peu les problèmes, la relation qu'il y a entre la construction des grands barrages, par exemple, pour générer de l'électricité, et puis, voilà, acheminer l'eau ici et là, paraît-il. Et puis souvent, à côté, il y a aussi des mines, les mines d'aluminium. Hein. Puis il n'y a pas loin, enfin, il y a des entreprises d'aluminium, mais il y a des mines de bauxite. Et on s'aperçoit que les minières ont besoin de beaucoup d'eau, et puis beaucoup d'électricité pour fonctionner. Et on vend, finalement, ces projets d'aménagement au bénéfice, disons, de l'État, de la population en général, etc., comme... étant au bénéfice, alors qu'au fond, finalement, c'est souvent pour permettre de mettre en place ces grandes industries qui vont, disons, à la fois extraire de la ressource du sous-sol et puis ruiner l'espace dans lequel ça se situe et puis, à un moment donné, aboutir à épuiser ces ressources. Donc du coup, ni les populations locales, qu'elles soient autochtones ou pas autochtones, n'en tirent vraiment des bénéfices. Parfois, ce sont des employeurs, des travailleurs qui viennent d'ailleurs. Alors je dis, tout le monde a droit à un emploi, c'est certain. Mais quand à un moment donné, on fait venir des gens d'ailleurs pour pouvoir déplacer ceux qui sont là, ça pose quand même des soucis. Et puis, les conditions de travail. Alors là aussi, il faudrait parler des conditions de travail parce que... c'est souvent des conditions absolument terribles. De fait, aujourd'hui, on travaille, les travailleurs dans la mine sont pas les mieux lotis des ouvriers. Et puis il y a ces questions de la remise en état des ressources. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que, comme le cas a été révélé par l'exemple récent des Dongriakond en Inde. Vous savez, il y a une entreprise, Vedanta, qui, à un moment donné, souhaitait et a installé une industrie d'aluminium et qui a été chercher la bauxite chez les Dongriakond du village voisin, enfin, plutôt de la montagne voisine. Il se trouve qu'ils sont situés sur une montagne et qu'il y a un rapport assez étroit entre la bauxite et les lieux de bauxite et la capacité à générer des... à créer de l'eau, à faire que des courants de rivières puissent, disons, surgir de cette montagne et puis couler et alimenter les autres rivières et fleuves. Et cette entreprise s'est installée. Il se trouve que j'ai été la visiter, donc je peux parler de ce que j'ai vu. Ça a été un scandale absolument extraordinaire parce que d'abord il y a eu des luttes, ça a duré pendant 10 ans, ça finit par être bloqué, mais à mon avis ils vont revenir à l'action. Et vous voyez un paysage d'horreur, quoi. Je veux dire, vous êtes dans un paysage qui est plutôt ravissant. Ça se passe en Orissa, en Inde, pays pauvre de, je veux dire, l'Orissa est un des états pauvres de l'Inde. Et puis vous êtes dans un paysage assez bucolique. Vous voyez des gens qui, des paysans qui ramassent leur récolte. Tout ça est assez, à l'époque où j'y étais, c'était en décembre l'année dernière, assez joli. Et puis vous arrivez à un endroit où sont les Dongriakond, donc ces populations tribales qui vivent dans la montagne avec des relations d'échange avec les autres castes locales, mais qui sont quand même dans ce coin-là. Et juste à côté, vous avez une vision d'horreur, c'est-à-dire à la fois une entreprise qui est une belle entreprise. Elle est propre, elle est derrière un joli mur blanc, elle a ses cheminées en aluminium brillant, bien présentée. Il y a un grand mur blanc qui va couper l'entreprise en question, l'usine, du reste du village qui s'est développé là, sur lequel l'entreprise a peint des fresques pour montrer aux populations comment elles doivent être propres, se laver les mains, parce que elle se présente comme une entreprise écologique. Hein? Donc, vivez dans un environnement sain. Donc, elle a toute une espèce de pédagogie sur son mur. Ça doit faire partie de la responsabilité sociale des entreprises que d'installer pour avoir le droit de faire ces exploitations minières et cette entreprise-là, et cette extraction et cette transformation d'aluminium. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des choses que les entreprises doivent présenter. La responsabilité sociale d'entreprise amène à construire, par exemple, des dispensaires, des écoles, mettre en des systèmes de bus. Donc, ils vendent ça comme du développement local qui va bénéficier aux populations. Moi, j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est des dispensaires fermés, des bâtiments qui étaient vides parce que, comme la concession avait été bloquée par le ministère de l'Environnement, finalement, l'État d'Orissa avait donné son accord et le ministère fédéral de l'Environnement indien a bloqué en disant que les droits miniers, la concession minière venait violer les droits forestiers des d'Ongriaconda. Donc c'était bloqué. Donc au moment où j'arrive, la mine ne peut pas fonctionner. Et donc il y a 6000 travailleurs qui ont été renvoyés. Donc les lieux où ils travaillaient étaient à ce moment-là abandonnés. Et ça ressemble à des camps de concentration. Sauf qu'il n'y a pas de barrière autour parce qu'en fait personne n'a vraiment envie d'y aller. Donc c'est vraiment des espèces de campements pour travailleurs pauvres, des ouvriers pauvres. Qui sont les uns à côté des autres, des baraquements qui sont rangés les uns à côté des autres, comme ça, avec des petites... affreux. Affreux. Et puis, vous avez un peu plus loin, alors vous passez l'entreprise, qui est ravissante, avec son côté blanc, etc. Ouais, très bien. Impeccable. Après, vous passez un compound. C'est aussi intéressant. Alors, ce qu'on appelle un compound, c'est un lieu de résidence pour les cadres de l'entreprise. Ah, voilà. Alors, le lieu de résidence pour les cadres de l'entreprise est derrière des murs blancs également, avec des fils de fer barbelés par-dessus, avec des portes, ces barrières qu'on avait à la douane ou devant les, etc., pour fermer l'accès libre, etc. Avec plusieurs gardiens, avec des armes. Un quartier privé. Un quartier entièrement privé. Avec un hôpital privé, juste à côté, réservé pour les cadres. Donc on voit très bien, et c'est très visible, le développement inégal. Il y a un autre problème. Alors ensuite, vous avez, beaucoup plus loin, vous avez les Dongriaconda et leurs montagnes, dans lesquelles ils essayent de vivre. Comme c'est un lieu où il y a eu des luttes, il y a eu des oppositions, etc., etc., il y a aussi un petit peu de guérilla, d'axalite qui se met là-dedans. Donc, ça pose des soucis. Donc, tout le monde ne peut pas y aller. Voilà. Vous avez, qu'est-ce qui est le plus notable? À part ces phénomènes que j'ai notés de ces différents types d'habitats pour les ouvriers et pour les cadres, vous avez aussi une milice privée. L'entreprise a une milice privée, donc des voitures qui vous surveillent, par exemple, qui vous prennent en photo et qui ensuite font des rapports contre les gens qu'ils ne veulent pas voir tourner et qui font des rapports à la police, qui peut ensuite vous embêter. Et puis, vous avez ce qui est le plus notable pour une entreprise écologique, puisque c'est comme ça qu'elle se présente. L'entreprise, l'aluminium se présente comme une espèce d'industrie propre. Et donc l'entreprise se présente comme une entreprise finalement propre et écologique. Vous avez autour de ce lieu des boues rouges, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boues rouges. Vous savez, on a entendu parler des boues rouges en Hongrie assez récemment. C'est les boues qui sont le rejet finalement de cette transformation de la bauxite en aluminium. La boue rouge, c'est polluant, c'est contaminant, ça crée des maladies de peau. Et puis c'est à l'air libre, donc c'est des déchets. Donc là encore, c'est pas protégé, c'est pas fermé. Donc les gens peuvent y aller. Par exemple, quand on est une population un peu pauvre et qu'on n'est pas averti que c'est quelque chose de dangereux, on y va. Donc du coup, après, il y a des tas de maladies qui se développent. C'est ce genre de problème qu'il faut prendre en compte. Les animaux vont boire, hein, notamment les vaches, parce que les vaches, elles ne sont pas dans des enclos en Inde, donc elles vont boire, donc après elles font du lait contaminé. Voilà, donc c'est toutes ces externalités-là qu'il faut commencer à prendre en compte et puis dire ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que vous me mettez sur le papier que vous allez faire un dispensaire que de facto vous produisez du développement local. Et c'est ce genre de contradiction devant laquelle il faut mettre les responsables politiques. Et évidemment, bah, le problème, c'est que bah, l'entreprise, elle a parfois des moyens d'action qui sont largement supérieurs aux moyens de contraction des populations locales. Elle a de l'argent. Elle a des moyens de corrompre. Elle a des moyens de se vendre comme positif. Et aujourd'hui, au niveau international, se pose cette question-là de comment mettre... les contrôles. Comment contrôler et comment éviter que... D'abord, une entreprise échappe à toute forme de contrôle, donc que la responsabilité sociale soit de pur papier et pas de réalité. Comment faire également que des États passent des lois contradictoires ? D'un côté, on prendra le cas des Philippines, d'un côté, vous avez une loi sur les droits autochtones, hein, qui existe, et de l'autre main, vous avez une loi sur les minières, qui contredit complètement la première. Il y a une contradiction. Et il y a plein de contradictions. Comme ça, on est... Alors, quand on regarde « Développement et droits coutumiers », ce livre donc publié par le JITPA, vous vous apercevez que le monde, ce monde-là, de ce rapport entre les uns et les autres, est truffé de contradictions. Et je crois que c'est ça auquel on est confronté aujourd'hui. Et sur la scène internationale par rapport aux minières, il y a le rapporteur spécial sur les droits et libertés fondamentales des peuples autochtones qui commence maintenant à documenter, à essayer de rassembler les problèmes. On travaille, on est plusieurs à travailler. Le JITPA est en train de faire une superbe étude, mais vraiment sur concrètement comment ça se passe, quoi. Quels sont les conflits qui sont en question, quelles sont les entreprises, combien d'argent y est mis. C'est un excellent travail, celui-là, et à la fois, c'est comme vous le dites à tout à l'heure, c'était un peu nouveau. Ça commence à se faire connaître. Voilà, donc on commence effectivement, alors le programme SOGIP, on travaille avec le JITPA, et puis on travaille avec des tas d'autres gens, des partenaires internationaux qui s'occupent de ça aussi. Et en documentant, eh ben, on va pouvoir à un moment donné établir en tout cas les bases d'une problématique, quoi. Pour dire il faut pouvoir équilibrer les rapports de force et puis à un moment donné se dire de quoi on parle. Par exemple, je prends le cas de la convention 169 qui a été passée donc ratifiée par des pays latino-américains beaucoup plus que des Européens. La convention 169 prévoit, et ça devient une obligation pour les États qui l'ont ratifiée. Elle prévoit le droit à la consultation. La consultation, voilà. Ça, c'est un grand truc, la consultation. Ouais, la consultation, c'est pour cela que, dans certains cas, on a connu certains cas, on veut faire quoi qu'ils ont consulté le peuple, et ce sont simplement des groupes de gens avec qui ils sont arrivés à le faire signer un papier, sans consultation vraiment de la majorité de la population. Voilà. Ils rentrent dans le territoire. Alors, du point de vue anthropologique, parce que je suis quand même aussi anthropologue, donc je réfléchis un petit peu à ça, j'observe à la fois comment consultation rentre dans une tension épistémologique, une tension politique également, avec ce que les autochtones réclament et qui est prévu dans la Déclaration des droits des peuples autochtones, qui est le droit au consentement libre, préalable et informé. Hein, c'est prévu dans différents articles de la Déclaration, c'est-à-dire que, par exemple, les autochtones ne pourraient pas être déplacés sans leur consentement. On ne peut pas leur prendre des objets comme ça a pu être fait pour mettre dans les musées sans leur consentement. Donc il y a plusieurs lieux dans la déclaration que je ne vais pas lire en détail, mais où il est prévu le consentement. Mais comment on obtient? Alors, qu'est-ce que ça veut dire consentement, hein? Ça veut dire, est-ce qu'il faut simplement obtenir le droit, le oui des autochtones, ou est-ce que les autochtones ont le droit de dire non? Et ça a fait débat. Je veux dire, c'est pour cette raison-là que le Canada, par exemple, a beaucoup été réticent à cette déclaration des droits des peuples autochtones. Parce qu'il savait que, par exemple, ça pourrait devenir un droit de dire non. Et il a interprété ce droit au consentement comme le droit de veto, en disant, dans les projets, nous sommes impliqués, le Canada est un État qui a... L'état de politique est quand même mis en place des systèmes de discussion et des systèmes de juridiques et des systèmes de tribunaux qui, sans résoudre tous les problèmes, sont quand même existants. Et donc, il faut admettre que il a quand même réfléchi avant d'adopter cette déclaration. Et pendant longtemps, il a bloqué. Parce qu'il se dit, voilà, si je reconnais le droit au consentement, ça veut dire qu'effectivement, je dois à un moment donné comprendre que les autochtones peuvent me dire non. Or, j'ai besoin, moi, de continuer à développer mon État, mon territoire. Et les industries minières. Les minières, les forestières très aussi. Fort, les industries forestières sont très importantes. Mais il y a aussi les sables bitumineux, il y a beaucoup d'enjeux, les arnachements de rivières aussi, les questions de pêche, le droit de consentement, il va dans beaucoup d'endroits. Et alors, à un moment donné, sur la scène internationale, là où j'observe finalement ce qui se passe, j'ai été tout à fait saisie par cette différence qu'il pouvait y avoir entre consentement et consultation. D'abord parce que les autochtones racontaient que les consultations sont faites n'importe comment et que vraiment ça pose souci. D'ailleurs au Chili récemment, dans je crois la région Mapuche du sud de la Novena Región, ils ont fait une consultation sur la consultation. Hein. Comment est-ce qu'on va mettre en place les procédures de consultation? Puis finalement je crois pas que ça aboutit à grand chose. Mais ce qui m'a intéressé, enfin ce qui m'a interpellé plus exactement il y a quelques années de cela, je pense que c'était en 2005, c'était de voir la Banque mondiale expliquer, parce que la Banque mondiale avait adopté un nouveau manuel des procédures opérationnelles en direction des populations autochtones, et elle met en place à l'intérieur de ce manuel, donc de ces directives, hein, c'est une directive d'action, quelque chose qu'elle appelle la consultation libre, préalable et informée. Hein? Et donc là, il y a un jeu de dupe, une substitution du droit au consentement libre, préalable et informé, qui en soi est déjà compliqué à régler, mais qui est substitué par une consultation libre, préalable et informée. La consultation, on ne sait pas si elle va être contraignante ou pas contraignante, elle ne présume pas du résultat. Et la position de la Banque mondiale, puisque je l'ai entendue, j'ai vu comment elle présentait son option, qu'elle présentait comme « nous prenons en compte les intérêts des populations autochtones et c'est pour cette raison-là que nous allons opérer cette consultation libre, préalable et informée ». Et nous allons nous-mêmes la mettre en place parce que, et ça je l'ai entendu dire de ma propre... Enfin, vraiment, j'étais là, donc c'est de témoignages directs. Bah, parfois, les autochtones, ils consultent ce qu'ils ont envie de consulter. Donc on sait que, par exemple, ça sera plutôt les vieux, les hommes anciens qui vont prendre la décision pour tout le monde, alors que nous, on veut avoir la décision des femmes et la décision des enfants, etc. Donc il y avait des arguments qui était apporté pour faire une consultation façon Banque mondiale qui est supposée être plus globale ou plus inclusive et qui de facto, parce que les cas ont été documentés après, s'avère à la fois non respectueuse des processus propres de prise de décision dans les collectivités autochtones. Or le droit à la décision, participer à la prise de décision est un droit reconnu dans la déclaration. Il y a eu des études faites au mécanisme expert sur les droits des peuples autochtones sur ce que cela veut dire, les institutions propres, participer aux institutions de l'État, voilà. Et donc il y a cet enjeu là de ce que au fond Est-ce que l'on doit continuer de mettre les autochtones, les communautés, les indigènes, autochtones, aborigènes, en situation de tutelle, en leur disant comment la consultation doit être organisée, hein, ou est-ce que l'on va définitivement les associer à des mécanismes qui vont permettre de prendre une décision. Et je crois qu'on est dans ce moment-là de la difficulté qui est absolument énorme, clairement énorme, mais qui oblige à s'asseoir à la table, à discuter, à faire des compromis de part et d'autre. Hein. Et donc la question, c'est, par rapport aux minières, pour en revenir aux minières ou aux forestières, c'est que parfois, les consultations sont organisées directement par les entreprises. C'est ce que je voulais dire, voilà. C'est biaisé de toute façon. Et c'est biaisé. Parce qu'ils peuvent leur vendre le projet minier comme une chose très favorable pour eux et tout. Oui, donc c'est biaisé déjà au départ. Oui, il y a cette partie de chantage, non, c'est le développement, non, le peuple, il doit évoluer. Mais il y a aussi le thème de l'information. Une entreprise minière, maintenant, il n'est plus simplement une entreprise minière, sino que c'est une entreprise minière qui sont des médias, qui sont des entreprises financières, ils sont des méga corporations qui sont partout et qu'ils créent. Je crois que ça c'est la victoire du régime néolibéral. Mm-hmm. C'est de pouvoir permettre effectivement des méga entreprises qui font des tas de choses et on ne sait pas du tout à qui elles appartiennent. Elles se vendent des parties de bout à l'autre. Il y a des filiales donc du coup c'est extrêmement compliqué de retracer le régime des responsabilités. Hein, et de pouvoir effectivement attaquer précisément dans un régime de légalité. Et c'est ça la complication, c'est que tout est légal, ils utilisent la loi pour pouvoir se placer, et que ils utilisent les failles de la loi, mais ils sont dans la loi. Mais pour pouvoir décider dans sa consultation, on est obligé, on est un peu, on a l'obligation morale, entre guillemets, non, d'être informé pour dire oui ou pour dire non sur n'importe quel sujet. Oui. Et on n'a pas les moyens pour avoir une information. Il y a le problème de constituer l'information. Alors là, j'ai une anecdote formidable. Ça se passe au Niger et ce sont les compagnies chinoises qui se profilent maintenant sur le marché de l'uranium. Oui. Et donc au Niger, la population, enfin, Touareg, on a connu des problèmes avec Areva. Et là, il y avait une compagnie. Voilà, il y a un ministre de l'environnement qui, en l'occurrence, c'est un Touareg, mais voilà, il est aussi ministre de l'environnement. Ça se passe il y a plusieurs années, donc c'est pas le ministre qui est en place aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que les Touareg m'ont rapporté. Et donc, il y avait une étude d'impact, parce que les entreprises, pour pouvoir s'installer, doivent faire des études d'impact socio-environnemental, économique et tout ça. Et donc, il reçoit un document de quelque chose comme 10 000 pages à lire et à donner sa décision. Je crois qu'il y avait 15 jours. Les problèmes de délai sont très importants. Mm-hmm. C'est ça, les failles de la loi aussi. On donne un mois pour que les populations locales puissent réagir. Or, parfois, elles ne sont pas vraiment équipées pour pouvoir connaître les problèmes, pour pouvoir lire les problèmes. Mais voilà, là, ce qui est intéressant, c'est déchiffrer les enjeux, penser les conséquences à 25 ans, se dire que ça va se passer comme ça, etc. Là, ce qui était formidable, c'était 10 000 pages en chinois. Donc, vous imaginez comment est-ce que tout ministre qui le soit... comment est-ce qu'il pouvait lire cela, quoi? Et donc, il a passé un appel et a demandé au chef de gouvernement comment faire par rapport à ça. Donc, soit on lui donnait dans une langue qu'il pouvait lire, soit il signait et on lui a demandé de signer. Donc, il y avait des enjeux économiques, il y avait des enjeux du gouvernement, très clairement, quoi. Et ce sont ces questions-là où il y a un découplage entre les intérêts de l'État ou les intérêts de certaines élites qui servent l'État et les intérêts du peuple qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement qui sert l'État en question. Je crois que c'est dans ce genre de contradiction qu'on se retrouve aujourd'hui. Et, Et c'est ça qu'il... je veux dire, on peut... voilà, quand on fait une consultation et qu'on donne un temps limite pour consulter... En plus, sur des problèmes qui sont souvent très techniques, très technologiques, quelquefois des rapports qui sont fabriqués, qui ne révèlent pas tout sur l'impact qui va se produire. Donc, on a parlé dans la dernière émission, on avait justement, non pas des communautés indigènes, mais une communauté rurale chilienne qui est aussi affectée par l'impact d'une entreprise minière. C'est la Diaguita Los Caimanes. Non. Caimanes. Ouais. Oui. Los Pelambres, c'est l'entreprise. À l'intérieur du pays. D'accord. La communauté s'appelle Caimanes et l'entreprise Pelambres, elle appartient à un homme très riche au Chili qui s'appelle Luctix. Ça, parce que l'heure avance, je voulais savoir l'ouvrage qui a été donc qui s'intitule Développement et droits coutumiers, qu'on peut trouver à publier à l'Harmattan. Et que vous pouvez trouver également sur le site du JITPA. Voilà, un peu d'accord. Voilà. C'est vrai. Et donc, il s'adresse plutôt à des, disons, des ONG, à des des spécialistes, des anthropologues, des avocats ou des juristes spécialisés, ou aussi il peut s'adresser. C'est un ouvrage, comme la plupart des ouvrages justement qui sont dans cette collection Questions autochtones, vraiment de comme on l'appelle dans notre jargon d'anthropologue, de vulgarisation. C'est-à-dire que ça donne à connaître, ça donne à comprendre pour le peuple. Hein. Vulgo, c'est le peuple, donc ça va vers le peuple. Et c'est assez facile de lecture, ce sont des cas précis, ce sont des éléments qui justement, je pense, peuvent être appropriés par des étudiants ou aider aussi des gens qui s'intéressent à ces questions-là. C'est pas, on n'est pas dans, puisque là ça parle de droit coutumier, on pourrait se dire attention, le droit c'est quand même compliqué. Et il y a des formes de rédaction des juristes qui sont parfois difficiles, comme des anthropologues aussi qui ont un certain jargon dont il faut. Non, là ce sont des éléments qui, à mon avis, sont assez facilement, sont lisibles, tout à fait lisibles. Et vous trouverez d'ailleurs, on a toute une collection de questions autochtones les paroles de femmes, les objectifs de développement du millénaire, les questions foncières, qui permettent effectivement de construire cette connaissance que l'on doit avoir par rapport à ces situations que l'on connaît mal, mais qui ne vient pas, dans ce domaine de spécialité qui permet éventuellement d'aller plus loin. Hein. Je veux dire, par exemple, on peut tout à fait se poser la question de comment, effectivement, droit coutumier et droit positif vont s'articuler. Donc, des juristes vont pouvoir, en se référant à des articles de telle loi, de tel code, de telle jurisprudence, etc., etc., rentrer dans des détails analytiques très précis. Là, vous aurez simplement, peut-être, les conséquences que tel jugement peut avoir pour les populations en termes de ça les prive ou ça les habilite ou ça leur donne des capacités. Donc, je pense que c'est vraiment un ouvrage large public. Justement, parce qu'on se rend compte dans plusieurs pays qu'il y a des fois des communautés indigènes qui gagnent, arrivent à obtenir gain de cause. Oui. Et je pense que très souvent, je dis à Nestor, mais ce serait vraiment important de faire un cumul, une addition de tous ces sentences gagnées pour que d'autres peuples puissent s'en inspirer. Bien sûr que c'est chaque fois différent, mais je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de connaissances, même pour les avocats de différents pays, non seulement en Amérique latine, mais aussi au Canada et tout ça, qu'il puisse y avoir un échange d'expériences pour s'inspirer de ces victoires. Vous avez raison et je pense que dans le monde des activistes, dans le monde des militants des causes autochtones, ce genre d'échange fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, J'ai à l'esprit deux cas qui font partie des jurisprudences citées. Alors peut-être que c'est pas encore assez connu du grand public, mais parmi effectivement le monde militant ou le monde des avocats ou des jurisconsultes qui accompagnent les questions autochtones, c'est connu. Il y a le cas Ndoroye qui s'est passé au Kenya et où par un jugement de la Commission africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ont gagné une reconnaissance sur des droits territoriaux. Donc ça, ça concerne les Ndoroye. Et c'est très intéressant comme cas. Vous avez un autre jugement qui est extrêmement important. Le jugement Ndoroye, c'était il y a 3 ans, je crois. Et il y a un autre cas très important qui est par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le jugement Saramaka, qui reconnaît des droits territoriaux aux populations noires marrons, c'est-à-dire ces populations qui sont issues de l'esclavage, de ces esclaves qui sont partis et qui se sont réfugiés dans la forêt. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi comme jugement, parce que ça ne concerne pas les Indiens. Ça concerne effectivement des populations dont on reconnaît qu'elles ont tiré leur subsistance d'un rapport à un territoire particulier où elles ont été depuis le moment où elles se sont créées comme telles. Et ce sont des sociétés qui se sont créées dans le post-esclavage, finalement. Donc voilà, ce genre de cas sont connus, ça circule, mais effectivement, c'est... En même temps, je pense que pas seulement les professionnels, oui. Ça serait bien que même les communautés indigènes, tous ceux qui sont concernés par des batailles à mener pour leurs terres ou pour contre des minières, des entreprises minières, pardon, connaissent cette expérience. Par exemple, on a eu l'occasion, avec des films, de montrer, de faire circuler des films sur d'autres cas. À des Mapuche, par exemple, sur d'autres cas qui se passaient ailleurs, dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est très enrichissant pour eux de pouvoir voir qu'il y a des luttes qui sont menées ailleurs. Bien sûr. Et c'est, je pense que ça doit circuler. Oui. Et c'est pour ça, l'ouvrage, il sera traduit en espagnol ou... Il existe déjà, je crois, en espagnol et en anglais. Parfait. Voilà. Donc, c'est nous qui avons adapté la version française de manière, effectivement, à diffuser sur... des tas d'autres, tout le monde francophone. Oui. Merci, et je pense que si ce serait bien de pour les prochaines publications que vous nous en informiez aussi. C'est moi qui vous remercie. Nous retenons votre demande et on va essayer de travailler dans ce sens-là. Je crois qu'effectivement le partage des bonnes expériences est quelque chose d'important à faire. Il y a un souci quand même qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les expériences, pour bonnes qu'elles soient, ne sont pas directement transposables d'un endroit à un autre. Et qu'il faut donc toujours faire attention à ces éléments d'ingénierie qui peuvent apparaître comme des bonnes idées. Mais il faut toujours adapter au contexte local et prendre cela en compte. Merci.